C'est le cachet de Guillermo Guiz que voici, que voilà Guillermo. Bonjour les amis. Alors rien de bien fou dans l'actu de la semaine qui n'ait déjà été régurgité avec fougue et talent par mes collègues biétistes de France Inter. Je vais donc vous parler de Mars et prendre un peu de hauteur. Même si l'équipe autour de cette table sent plus le crash aérien que la conquête spatiale. Pour être honnête, cette semaine se tenait le 67e congrès international. T'as un problème, toi ? Cette semaine se tenait le 67e congrès international de l'aéronautique à Guadalajara, pas loin de la drogue. On y a parlé de colonisation de Mars, figurez-vous, enjeu d'autant plus urgent que l'on commence à être un peu à l'étroit sur cette Terre. Rappelons que la Voie lactée est un complexe immobilier d'environ 200 milliards d'appartements et que pour une raison qui défie toute logique, l'humanité entière s'entasse dans un F2. Alors, sérieux, Dieu, c'est un marchand de sommeil en fait, doublé d'un fief et tir au cul, si vous voulez mon avis. Qu'est-ce que ça lui coûtait de nous faire une réplique de la Terre, juste à côté de la Terre, qu'on aurait pu bêtement relier avec un pont, c'est tout con, mais voilà, un truc un peu chill, hein, 5 minutes en Segway, enfin, je veux dire, je sais pas, pour lui, c'était 3 minutes de boulot, clairement, mais non, monsieur, c'est pas pour traiter en permanence les gens de branleurs, mais bon, là, il y a carence d'envie, quand même. C'est quand même dingue qu'on doive se taper Mars pour redéployer l'humanité, non ? Vous n'avez rien à foutre, ok ? Voilà, le positif, c'est qu'il faudra tout réinventer là-bas, les enjeux de société, les lois, les priorités de la cohabitation entre les cultures. Pas étonnant qu'au deuxième jour du congrès, le symposium Burkini sur Mars, un mal nécessaire, a vu les scientifiques se prononcer massivement en faveur du vêtement dans la mesure où il fait moins 65 degrés en moyenne. Et qu'à ce tarif-là, tout ce qui peut couvrir le corps est un plus. Même un kawé, même votre chemise, Daniel, tout était un plus. Non, c'est vrai. Il y a des pointes à moins 120. Sérieux, sur Mars, il fait plus froid que dans le cœur de Vladimir Poutine. Quoi. Je peux vous dire que Anne Hidalgo, pardon, a eu l'air bien con à Guadalajara avec son question-réponse. Un espace nudiste sur Mars, et si on osait ? Qui a dû être annulé. Alors que franchement, c'était dans une toute petite salle. Là, soyons de bon compte, sa journée sans voiture sur Mars, ça va se faire par contre. Hein, en tout cas, en l'absence momentanée d'infrastructures routières, c'est livré brutal à Mars. C'est-à-dire qu'il faudra réaménager un peu. Clairement, il n'y a quasi pas de gravité, pas de pression atmosphérique, pas de protection contre les radiations. Hein, si tu croyais que vivre dans les quartiers nord de Marseille, c'était l'enfer sur Terre, va essayer de faire pousser des courgettes sur Mars. Bon appétit. À 1000 km à la ronde, il n'y a que de la terre battue. La seule bonne nouvelle, c'est que tu croises jamais Nelson Montfort. Bon, voilà. Voilà. Même si ça met un peu de baume au cœur, c'est toujours pas le Club Med de Cancun quand même. Faudrait être fort là-bas. C'est pour ça que l'avant-poste de la civilisation humaine, celle que l'on va envoyer là-bas, devra avoir l'expérience de l'incruste en terre hostile. Il y aura donc un gros contingent d'Israéliens. Hein, des mecs capables de transformer 4000 colons en 400 000 sur 5 décennies. Hein, c'est les Garcimores de la colonisation. Oh, il est où le petit palestinien ? Je suis disparu ! Clairement, il faudra des gens qui ont de la bouteille. Très belle imitation de Garcimores. Je fais bien Garcimores. Ah ouais, oui, le petit palestinien, il est disparu. C'est nous à la place. Hop, tic-tac. Non, il faudra des gens qui ont de la bouteille, clairement. Reste à savoir s'ils trouveront la démarche aussi fun en l'absence de population locale à humilier. Pour paraphraser le maréchal Ganache, ça, c'est une colonisation de l'opette. Si vous voulez votre avis, exactement. Maréchal qui, lui aussi, sera du voyage dans le vaisseau des nostalgiques des paysages arides. On aura beaucoup d'Américains, évidemment, avec une majorité d'Occidentaux en général et quelques représentants de l'Afrique subsaharienne pour que l'humanité survive au cas où on trouverait vraiment pas d'eau liquide. Nagui sera là aussi. Ah bon ? Oui, pour créer la première émission de télé sur Mars. N'oubliez pas votre brosse à dents. Genre vraiment, parce qu'on va jamais revenir sur Terre. Et que, par parenthèse, le voyage va durer entre 3 et 6 mois. Donc sans brosse à dents, ça va fort accentuer l'impression de déracinement. Le projet, en tout cas, semble sur les rails, puisque le très sérieux milliardaire américain Elon Musk, cofondateur de PayPal, Tesla Motor et de ce programme SpaceX, a l'air tout à fait déterminé à conjurer l'extinction de la race humaine. C'est dingue, aux États-Unis, les milliardaires, ils veulent sauver l'humanité. En France, ils veulent sauver Nicolas Sarkozy. Enfin voilà, donc chacun son délire. Mais on y est presque, les amis. Musk parle de 100 000 $ pour s'offrir le voyage. Une bouchée de pain, le prix d'un bébé moche en GPA. Donc on va bientôt partir, les amis. On est sur le départ. Allez, bonne émission et bon week-end. Merci, Guillaume.